Chapitre 3e. Il est 11 ans que j'habite en Angleterre, y menant une existence sinon très heureuse, car je souffrais souvent du mal du pays, du moins très rempli. La santé de la marquise s'affaiblissait à vue d'œil, et nos entretiens, en général très courts, devenaient plus fréquents. On eût dit que l'excellente femme, sentant sa fin approcher à grands pas, voulait me communiquer toute sa tendresse pour son fils unique, afin que je la lui reportasse, quand sa place serait vide au coin de la cheminée monumentale du salon de Fairbill Castle. Nous étions au printemps et un beau soleil éclairait les arbres du parc à l'heure de midi. La marquise, en quittant la salle à manger, nous proposa d'aller respirer les effluves salutaires de la saison nouvelle, sous un vieux chêne au pied duquel on avait adossé un banc. Elle prit mon bras, pendant que Harry marchait en avant avec ses deux chiens favoris, un pointer blanc et un retriever marron. « Monsieur Clinchamp, me dit-elle, vous touche à l'heure la plus périlleuse de votre mission. Puissiez-vous la traverser aussi heureusement que le passé? Vous ne me parlez pas des luttes que vous soutenez depuis 2 ans déjà avec le tempérament de mon fils. Vous voulez m'épargner les détails de vos soins intelligents et dévoués. Mais je les ai devinés le jour où le feu qui coule dans ses veines lui empourpra le visage pour la première fois. J'admirais tellement votre tact, votre profonde connaissance de la nature humaine, que je résolus de me taire avec vous sur un sujet qui s'impose à moi jusque dans mon sommeil. J'approuve tout ce que vous faites pour réparer les entraînements de mon fils, et c'est par mon ordre que notre banquier de Londres vous annonçait naguère que tous les chèques signés par vous seraient toujours bien accueillis à sa caisse. Mais toutes les difficultés ne s'aplanissent pas avec de l'argent. Comment résoudre le terrible problème qui se dresse devant nous? Est-il même un moyen d'y parvenir? Vous le savez, je ne puis en vérité souhaiter le mariage de mon pauvre fils. J'ai lu les travaux de Sir Herbert Spencer sur l'hérédité et je reste effrayé devant l'avenir. Me sera-t-il permis de vous aider dans la tâche ardue à laquelle vous vous consacrez avec un admirable dévouement? Je ne l'espère pas. Je sais que mes jours sont comptés. La maladie de cœur dont je souffre cruellement ne tardera pas à m'emporter près du lieu où repose dans la paix mon mari. Je vous demande donc de combattre jusqu'au dernier jour pour empêcher le mariage de Harry. Il en coûte à mon âme chrétienne et à mon cœur maternel de vous adresser cette prière. Mais ma conscience m'oblige à vous la faire. Une seule considération devra vous faire fléchir, en présence d'un projet de mariage, l'honneur. La confiance de mon fils en vous est sans limite, et je sais, je comprends qu'il n'y aurait qu'un immense amour, dont je ne le crois pas susceptible, qui pourrait contrebalancer votre influence sur lui. Nous en étions là de cette conversation, ou plutôt de ce monologue, car je n'avais pas interrompu une seule fois la marquise lorsque nous rejoignit Harry. Il était en conversation avec un joueur d'orgue dont le singe tenait la sébille. Ce savoisien avait trompé la vigilance d'un des portiers du parc, dont l'entrée était interdite à cette classe d'individus. À peine Lady Fairville eut-elle aperçu cet homme, que je l'avais porté la main sur son cœur et s'affaissait sur moi. Nous la portâmes au château, où elle ne revit jamais plus les personnes et les choses qu'elle venait de quitter. Dès que le médecin, appelé en grande hâte, eut constaté la rupture d'un anévrisme, Harry donna libre cours à sa douleur, dont la violence m'inquiéta pour son cerveau pendant plusieurs jours. Le lendemain, il se précipita sur le cercueil de sa mère, avec les signes effrayants d'un désespoir navrant. Je me gardais bien d'éteindre une sensibilité qui dépassait mes espérances et me permettait d'augurer favorablement, à certains points de vue, d'un événement si funeste. Je n'éloignais point Harry du tombeau de sa mère, où je le voyais chaque jour s'agenouiller en pleurant. Cependant, sur l'ordonnance du médecin, nous partîmes, un mois plus tard, pour un petit port de la mer d'Irlande que nous quittâmes bientôt pour visiter ce pays et l'Écosse. Pendant toute la durée de cette excursion, mon élève fut en proie à une tristesse profonde. L'aspect des montagnes et des lacs qui me ravissaient d'admiration le laissèrent indifférent. Sa douleur était si constante qu'il se refusait le plus souvent à manger, et plus d'une fois, j'eus la crainte qu'il se laisserait mourir d'épuisement, qu'il se suiciderait lentement. Le mois de septembre étant arrivé, je l'entraînai pour ainsi dire de vive force chez un seigneur écossais de sa famille maternelle, qu'il avait prié de venir tirer des grouses dans ses terres. son goût pour la chasse se réveillant tout à coup, il revint à la vie au moment où je désespérais de la lui conserver. Harry avait 21 ans, et aucun organe n'étant atteint chez lui, il reprit bientôt toutes ses forces, avec je ne dirais pas sa gaieté, car il était d'humeur sombre, mais avec son habileté naturelle. La fille de notre hôte, Miss McClaymore, du même âge que lui, lui fit tout de suite une violente impression. Il avait été frappé de la ressemblance de sa cousine avec Lady Fairville. Elle revenait chaque jour sur les qualités morales ou physiques qui, en effet, se reproduisaient à 2 générations d'intervalle par l'hérédité collatérale. Lord McClaymore, veuf et très obéré dans sa fortune, encourageant Harry dans ses sentiments naissants, je crus devoir lui proposer notre retour dans le Norfolk. Je me rappelais la dernière volonté de la marquise et ne perdais pas de vue la crainte légitime que faisait naître en elle l'idée du mariage de son fils. Mais, pour la première fois, je rencontrai une vive opposition. J'eus beau prétexte des affaires, la chasse à cour prête à recommencer, Harry me déclara qu'il ne quitterait l'Écosse qu'avec une promesse de mariage d'Hélène McClaymore. « C'est le vivant portrait de ma mère, » répétait-il constamment, « je veux l'épouser. » Je ne manquais pas de lui représenter sa grande jeunesse, les inconvénients qui pouvaient résulter d'un mariage prématuré avec une personne qu'il connaissait à peine. Mais aucun de mes raisonnements ne venait à bout d'ébranler une volonté qui, jusque-là, ne s'était guère exercée, mais qui devenait de jour en jour plus ferme. Mon seul espoir, car je ne me croyais pas autorisé à révéler à Lord McClaymore la cause de mon opposition aux idées d'un mariage, reposait sur un refus possible de la part de Miss Helen. Celle-ci, tout en témoignant une véritable affection à son parent, n'agissait en rien comme une femme éprise, soit de la fortune, soit de la personne de mon ancien élève. Une circonstance imprévue vint bientôt servir mon plan en nous rappelant à Fairville Castle. Il s'agissait de la mort subite d'un homme d'affaires depuis longtemps dans la famille et auquel la marquise avait remis, en mourant, tous ses papiers. Ceux-ci devinrent à notre arrivée l'objet d'un examen attentif de notre part. Je dis nôtre, car Harry n'avait rien de caché pour moi. J'étais son maître, son guide, son conseil, son ami. Sa mère l'avait confié à ma direction absolue, en lui inspirant pour moi toute l'estime, toute la confiance que je m'efforçais de mériter par un zèle qui ne connaissait point de soucis étrangers à ma tâche. Une enveloppe, cachetée aux armes des Fairville, attira surtout notre attention. Elle portait cette suscription « À mon fils Harry ». Cette lettre lui sera remise le jour de sa majorité, si j'ai cessé de vivre à cette époque. Je laisse mon fils libre de briser le sceau de cette enveloppe ou de le respecter. Lady Fairville ne m'avait jamais parlé de ce papier, et mon embarras fut grand lorsque Harry me demanda ce qu'il devait faire. Comme de coutume, je l'engageai à réfléchir et à suspendre toute détermination trop précipitée. Sa mère lui laissant toute liberté à ce sujet, je n'entrevoyais aucun motif de se hâter, bien au contraire. Craignant par-dessus tout qu'il ne voulût retourner en Écosse, j'entraînais Harry à ses occupations ordinaires, augmentées de celles que lui donnaient ses domaines. Mais l'activité incessante que j'entretenais dans sa vie ne l'empêchait pas de songer à Hélène McClaymore. Il m'en parlait sans cesse. Cependant, je parvins à traverser tout l'hiver sans qu'il me fît violence à ce sujet.